Chapitre 15. Comment la veuve fit part que nous avons laissé à Clignancourt dans un taudis, couverte de haillons et sans autre moyen d'existence que sa haute et son crochet, se trouvait-elle rue de l'église et dans le costume où nous la voyons? C'est ce que nous allons expliquer en peu de mots. Du moment où il eut décacheté la lettre de la comtesse Artoff au duc de Salandrera, et se trouva, grâce aux quelques renseignements que la veuve fit part lui donna, sur la piste de la vaste intrigue ourdie par Rocambole, Venture comprit la nécessité absolue où il était d'éloigner de Clignancourt et, pour ainsi dire, de confisquer l'horrible vieille à son profit. En effet, il pouvait se faire que Rocambole la retrouvât, qu'il la forçât à lui avouer où il était lui, Venture. D'un autre côté, la haine que celle-ci manifestait pour son fils d'adoption était chose précieuse dans les circonstances présentes, et Venture avait compris tout de suite que s'il était obligé d'établir, à un moment donné, l'identité de son adversaire, ne fût-ce qu'aux yeux de M. de Châteaumailly, la veuve fit part lui serait d'un secours puissant, sinon indispensable. Aussi, dès la veille, jour de son installation en qualité de cocher chez M. de Châteaumailly, Venture avait-il songé au Gros Caillou comme étant peut-être le seul quartier de Paris où Rocambole ne songerait point à venir chercher maman fit part, si toutefois il ne demeurait point persuadé de sa mort. Aussitôt, il s'était mis en mesure d'y trouver un logement convenable pour la chiffonnière, et au bout d'une heure de recherche, il avait jeté son dévolu sur une chambre meublée de la rue de l'Église, laissée vacante le matin même par un maître tailleur de régiment qui était parti avec son bataillon. Venture s'était donné pour un brave épicier, vieux garçon qui attendait sa mère, laquelle devait arriver de province. « Elle restera avec moi, » avait-il dit, « et je lui rendrai la vie douce pour ses vieux jours. Mais comme le logement que je lui ai fait préparer au-dessus de ma boutique n'est pas encore arrangé, je vais la loger en garni pour quelques jours. » Il avait terminé en payant une quinzaine d'avance. Puis il avait donné 10 francs de denier à Dieu au portier, promis 15 francs à sa femme pour faire le ménage. Ensuite, il était bravement allé à Clignancourt en portant sous son bras une défroque achetée chez la première marchande à la toilette qu'il avait trouvée sur son chemin. 2 jours après, précédé d'une grosse malle, la veuve fit part émerveillée avait pris possession de cette chambre meublée qui pour elle était un véritable palais. « Eh bien, maman, lui dit Venture en s'asseyant auprès d'elle, comment supportez-vous l'existence aujourd'hui ? « Je crois que j'ai bu un coup de trop, » répondit la vieille. « Hein ? » répondit Venture. « Est-ce que tu vas continuer à te livrer à la boisson, la fée aux guenilles ?»« Plus souvent, j'ai seulement pas bu un simple poisson d'eau-de-vie, vu que tu m'avais recommandé de me respecter. J'ai pris mon café comme une marquise, voilà tout. » « Alors, qu'est-ce que tu veux dire par ton coup de trop ?»« Je veux dire que tout ce qui m'arrive ressemble à ce que je rêve quand je suis en gaieté. »« Ah bon, je comprends. Tu crois rêver. Là, vous y êtes. » « Eh bien, dit Venture, ce sera bien autre chose encore tout à l'heure. Est-ce que vous allez me faire des rentes ? C'est bien possible. » La veuve fit part écarquilla ses petits yeux rouges. « Ah, maman, reprit Venture avec bonhomie, tu ne sais pas ce qui te pend au bout du nez. C'est-il un héritage ? À peu près. » Et comme la veuve fit part ne trouvait ni un mot ni un geste pour peindre sa stupéfaction, Venture ajouta, « Comment trouves-tu le quartier ? » « Charmant. Il est plein de militaires. J'aime les militaires, moi. Et cette maison, la veux-tu ? Ah ! » s'écria la vieille d'une voix tremblante d'émotion. « Est-ce que vous voulez que je périsse de joie ? Écoute donc, » poursuivit Venture. « Le fond de l'hôtel est à vendre. Je vais l'acheter. Tu le géreras. Jour de Dieu, je deviens folle. Et si dans quelque temps je suis content de toi, je te passe tout en ton nom. » Ces derniers mots, au lieu de mettre le comble au bonheur de la veuve fit part, produisirent sur elle un effet tout opposé. La veuve de l'infortuné Niccolo était une femme de tête, et elle comprit sur le champ que si Venture était homme à donner beaucoup, c'est qu'il avait encore plus à demander. Elle releva ses besicles sur le front, posa son journal, ouvrit sa boîte d'argent, y prit une pincée de tabac qu'elle aspira lentement et dit avec calme « Voyons, il paraît que nous avons besoin de maman fit part, parbleu. Eh bien, causons un peu. » « Soit, causons. Tu me donnes le fonds de l'hôtel, tu renouvelles le bail pour 15 ans. »« Diable ! » fit Venture. « Comme nous y allons, la petite mère. Attends donc. »« Et tu mets tout en mon nom, n'est-ce pas ? C'est dit. Bon. Maintenant, voyons ce que je dois faire pour gagner tout cela. Si tu es ladre, on réfléchira. Je vais t'expliquer la chose. » J'écoute. Tu te souviens de feu Nicolo, hélas, murmura la vieille, qui mit sur ses yeux son mouchoir à carreaux saupoudré de tabac. J'ai ouï dire, continue l'aventure, que le pauvre diable s'est réfugié à l'abbaye Mont-à-Regret, et monté sur l'échafaud. Hélas, on l'a fauché. Et pourtant, soupira la veuve Fipard, il était innocent, je le sais. Mais c'est la faute de cette petite canaille de Rocambole qui m'a entortillé en me prouvant que monsieur Nicolas avait eu des torts. Une femme jalouse, voyez-vous, est capable de tout. Et puis, observe Aventure, on te donne 10 000 francs. Tiens, je n'y pensais plus. Oh, c'est un détail, après tout. Bon, fit la veuve Fipard, mais pourquoi me parles-tu de Nicolas? Est-ce qu'il faudrait à présent innocenter sa mémoire? C'est inutile. Mais il peut arriver que j'ai besoin de ton chiffon rouge, ta langue. Contre qui? Contre un Rocambole. Oh, le petit poison! Murmura la veuve Fipard avec colère. En voilà un que je ferais faucher volontiers. C'est ce que j'allais te proposer, puisque tu veux finir tes jours en tenant un hôtel garni, fréquenté par des militaires. Ça va. Mène-moi chez le juge d'instruction. Est-ce qu'il est arrêté? Pas encore. Ah! Mais je suis sur la piste. Eh bien, quand tu voudras, tu n'as qu'à me faire signe. On mènera la chose rondement. Et le lendemain de la fauchaison, l'hôtel sera en ton nom. Et sur cette conclusion peu rassurante pour Rocambole, et qui eut certainement causé quelque inquiétude à monsieur le marquis de Chamerie, Venture se leva, souhaita le bonjour à la vieille et ajouta « À propos, tu sais que je me suis fait cocher. Cocher, toi? Oui, mais c'est dans une bonne maison. Et à la seule fin de faire raccourcir un peu Rocambole. Le fait est, murmura la vieille avec un horrible sourire, qu'il est un peu grand. Il a poussé comme un tournesol, mon nourrisson. Et les enfants précoces ne vivent pas, acheva le bandit. Venture quitta maman Fipard et trouva la propriétaire de l'hôtel garni dans la loge du concierge. Il débattit le prix de l'hôtel, gagna un rabais de 500 francs et, séance tenante, passa un acte sous sein privé. Cela fait, il remonta dans sa voiture de remise. « Où va le bourgeois ?» demanda de nouveau le cocher. « Rue de la Pépinière, » répondit Venture. Arrivé là, celui-ci grimpa de nouveau à son 6e étage et reprit dans cette malle volumineuse qui renfermait ses 20 000 francs, sa livrée de cocher, sa perruque poudrée et son chapeau galonné d'or. Un quart d'heure après, il redescendit et se dirigea vers la place Beauvau. Quand il arriva à l'hôtel de Château-Mailly, le duc était dans les écuries, assistant au pansage. « Ah, bon voilà, » dit-il en anglais au cocher. « Je viens d'empiéter sur vos attributions. » Venture regarda le duc. Celui-ci continua. « Hier, vous avez congédié un palefrenier. »« Oui, monsieur le duc. »« Ce matin, j'en ai pris un à mon service. »« Ah, » fit Venture avec insouciance. « Il doit entrer ce soir, » continua le duc. « Le pauvre garçon m'a paru assez misérable. » »« Il connaissait le palefrenier congédié. » Il est venu s'offrir. Quand je suis descendu, je l'ai trouvé dans la cour. Il vous attendait, je l'ai engagé. « Monsieur le duc est maître chez lui, » répondit le cocher avec respect. Tout en répondant au duc, Venture s'adressa le petit monologue suivant. « Les gens honnêtes et naïfs comme mon noble maître ne comprennent jamais certaines choses. Le duc va m'accabler de questions. Si j'ai le malheur de lui répondre, si je le mets au courant de mes démarches de cette nuit, d'abord, il est capable de vouloir aller lui-même rue de Suresnes. Ensuite, ah, diable, mais il n'y a pas d'ensuite du tout, attendu que si je lui raconte que j'ai vu un homme sortir à minuit de l'hôtel Salandrera, il ne voudra plus de mademoiselle Concepcion à aucun prix. Je vais lui battre la campagne, c'est le plus simple. » Mais le duc savait que Venture avait passé la nuit dehors, et il désirait ardemment savoir ce qui s'était passé. Il y avait, à l'extrémité de l'écurie, un cheval arabe que M. de Château-Mailly montait souvent et qu'il affectionnait d'une façon toute particulière. Jamais le jeune duc ne venait voir ses chevaux sans visiter Ibrahim, caresser sa croupe lustrée et lui donner un mot d'amitié. Les palefreniers étaient habitués à cette prédilection. Aussi pas un d'entre eux ne s'étonna de le voir se diriger vers la stalle d'Ibrahim. Venture le suivit. Alors le duc regarda son cocher. « Eh bien, dit-il, ça marche, » répondit Venture. « Quoi ? J'ai des renseignements, sur mes ennemis, sur votre rival. » Monsieur de Château-Mailly tressaillit. « Mais, » continua Venture, « Monseigneur m'a promis de se fier à moi, sans doute, et de ne point m'interroger. » « Soit, » dit le duc. Venture reprit tout haut. Est-ce que le palefrenier engagé par M. le Duc est anglais ? Ma foi, répondit M. de Châteaumailly, je le crois bon teint, celui-là. Tenez, précisément, le voilà qui arrive. Et le Duc montra à Venture le nouveau palefrenier, qui en effet entrait dans les écuries. Ce palefrenier paraissait être un homme de 25 à 30 ans. Il avait les cheveux d'un rouge carotte, le visage couleur de brique. Et les cochers du célèbre loueur de la rue Basse, dont nous avons parlé dans le cours de ce récit, l'eussent reconnu bien certainement. C'était John, le même John, qui avait donné 1000 francs au cocher du fiacre vert chargé de conduire chaque nuit Don José à Nières, à la seule fin de prendre une fois sa place. Ou plutôt, c'était Rocambole. Rocambole, l'homme au déguisement multiple, et si merveilleusement métamorphosé cette fois que Venture lui jeta un regard des plus indifférents. Il est juste aussi d'avouer que si Rocambole avait fait peau neuve des pieds à la tête et ne ressemblait en aucune façon ni au vicomte de Cambole, ni au marquis Don Enigo de Los Montes, Venture avait subi lui aussi une sensible transformation. Il avait coupé ses favoris, taillé en côtelettes et rasé ses cheveux, qui étaient noirs semés de quelques filets d'argent. Puis à la place des premiers, il s'était appliqué avec le savoir-faire d'un acteur une paire de favoris rouges. Une perruque poudrée lui cachait une partie du front. En outre, son visage était coloré et vermeil comme une trogne de vrai John Bull. Grâce à un corset lacé à outrance, Venture avait dissimulé un bon tiers de son embonpoint. Enfin, sa superbe livrée bleu de ciel à revers cerise, qui lui tombait sur les talons, achevait de faire disparaître en lui tout vestige de l'homme primitif. Venture n'avait pas reconnu Rocambole, Rocambole ne reconnut pas Venture. Au reste, il leur arriva à l'un et à l'autre ce qui arrive souvent pour des adversaires qui vont croiser le fer. Chacun d'eux est beaucoup plus préoccupé du soin de défendre sa propre vie que de prendre celle de son antagoniste. Venture jouait si bien son rôle d'anglais que, persuadé qu'il se trouvait en présence d'un anglais véritable, il s'appliquait bien plus à prononcer méthodiquement chaque mot à rendre, chacun de ses gestes avec un naturel parfait, qu'à examiner attentivement son interlocuteur. La même pensée domina complètement Rocambole. « Où avez-vous travaillé ?» demanda le cocher. « À Londres. »« Chez qui ?» Chez Lord W. Et puis, chez le marquis de L. Et, à Paris, chez le duc de R. Combien voulez-vous gagner ? Ce que vous voudrez, dit humblement le palefrenier. Eh bien, on verra. Venture étendit sa main vers une stalle qui renfermait le cheval le plus difficile et le plus fougueux des écuries. Pensez-moi à cet animal, dit-il. John s'empara du cheval, l'amena auprès de la pompe, prit un baquet, une éponge et des brosses, et se mit à travailler comme un homme qui a été élevé dans les chevaux et a toujours vécu avec eux. Le cheval frémissait, hennissait, piétinait, s'impatientait, levait le pied. John le calmait d'un mot, d'un coup de plat de la main, puis d'aplomb sur l'encolure ou le garrot. « Cet homme sait son métier, monsieur le duc peut le prendre, » dit Venture, qui s'éloigna de quelques pas avec monsieur de Châteaumailly. « Enfoncez l'anglais, » murmura en même temps Rocambole. Et tout en continuant le pansage du cheval, il regarda le cocher qui se dirigeait vers la cour en causant mi-voix avec M. de Châteaumailly. Mais tout à coup il tressaillit. « C'est drôle, » se dit-il. « Est-ce que ce cocher britannique aurait essayé du bagne français ? Il me semble qu'il traîne légèrement la jambe droite. On dirait un cheval de retour, un forçat libéré. »